Salut, c'est Kiwan et Mathieu pour une autre capsule d'assemblage requis. Eh oui, puis cette semaine, pour cette capsule, eh bien, on était chez nous à faire rien, puis on s'est dit qu'on pourrait faire des pubs parce que l'émission va être en onde le 24 août prochain et on a vraiment très hâte. Donc en attendant, bien, on a préparé deux petites pubs comme ça qui vont être en onde sous peu, mais vous pouvez les écouter en primeur ici tout de suite sur le assemblagerequis.com. Et c'était une excellente, excellente prononciation du mot août. Ouais, c'est de la belle ouvrage, ça. C'est un maudit beau carrousel. Ben, c'était supposé être un pouf. T'as-tu vraiment suivi le plan? Le plan? Ben oui, ça dit assemblage requis. Ah! Ah! Ah ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai fait une console avec une vieille sécheuse, là, puis j'ai branché ça sur l'alternateur de mon auto, puis j'ai fait des écouteurs en noix de coco. Il manquait rien que le micro, là. Mais pourquoi t'as fait ça? Ben, pour la nouvelle émission, là, assemblage requis. Ben, assemblage requis, c'est une expression, là. Le studio est fourni. Ah! Ah! Voilà, c'était deux pubs qui vont tourner sur les ondes de C'est fou très bientôt pour annoncer Assemblage requis. Et cette émission-là, Assemblage requis, ça commence le 24 août, du lundi au jeudi de 15h à 17h. Et c'est Kiwan et moi qui allons animer ça. Donc, tenez-vous au courant de toutes les nouvelles concernant l'émission sur le assemblagerequis.com. À la semaine prochaine pour une autre capsule d'Assemblage requis.